entends nos souvenirs s'étendre dans un tendre écho. Pour le meilleur et pour le pire, c'est le pire qui l'emporte. J'ai cherché en vain l'équilibre, toi tu faisais valser l'accord. Tes mots sont comme des mélodies, mais tout ça me fait. Mon cœur est fatigué, ma tête est fatiguée, la douleur infligée quand tu m'as infligé. Chaque jour un peu plus abîmé, mon cœur est abîmé. Comment te pardonner, ma vie t'appartenait, mais je ne sais plus qui tu es. Je t'aime, dorénavant mon cœur est clos. Je t'offre un dernier requiem. Je t'aime, mais peut-être un peu trop. Il fallait que tu me perdes pour savoir tout ce que je vaux et que tu fasses pleuvoir sur moi tes plus beaux mots. Mon cœur est fatigué. Pardonner, ma vie t'appartenait, mais je ne sais plus qui tu es.